ma droite flanche. Ma gauche cède. Derrière, mes frères tombent. Ok, la situation est défavorable. J'attaque. Perd la tête comme une grenade et veulent nous chasser de la France. Se vanteront d'avoir repoussé les Noirs et les Arabes, mais n'auront réussi qu'à faire reculer la science. Relève la tête et fixe le ciel, Renoir. Pour me sentir libre, je vais couper mon pied au-dessus de la cheville comme les esclaves. Les négros sont comme aïe. On a la tradition du combat, tellement habitué à se battre que je peux mourir même pour quelque chose que j'ai déjà. Il nous faut des frères forts, pas ceux qui s'inspirent en respirant des fesses de porc. J'ai des frères blancs comme des sachets de coke, mes frères comme les fissures de mon défaut. Dans la rue les cassements de côtes. Mon frère jumeau d'une autre mère a perdu la sienne, il a élevé sa foi. Ici est remis violence, trois la même fois trois. Trois fois plus, y'a pas trois voix fils. Même pour toi qui n'a pas de poids, qui n'a pas peur des lois, mais de toi vient qu'on compte l'argent dans le désordre. Les enterrements, le boss nous donne un ordre, on exécute. Le boss désorme les enterrements. Mes hommes s'en battent les couilles de la réputation. Est-ce qu'il en avait une bonne? Malcolm, préparez-vous à vos enterrements. Tiens qu'on compte l'argent dans le froid. Lui c'est qui? Lui c'est quoi? Descendent les enterrements. Le boss nous donne un ordre, on exécute le boss. On arrête les négoces, on cross. Ils vont sûrement te demander comment je m'appelle. Dealer style open, belle scalpel. La gloire va me prouver comme je suis, me laisser comme je suis. Je monte en grade, tue vos artistes comme les abattements. Insolent comme le maître de Belgrade. Aïe, je suis libre comme la police qui retire sur un frère. Et il danse comme dans Rice, ni comme Jack Chirac. Et la bande d'alcool, tu n'es qu'à moitié comme les noirs. Arrête d'imiter avec des limites comme Leader Price. Mon négro incarcéré comme la vérité sur l'esclavage. Il lit ses courriers, condamné à avancer les yeux fermés comme le dossier Oumyobé. Condamné comme Jésus, Poutine est libre comme la vente d'armes. Bush est libre comme l'église qui contrôle la vente d'armes. On pense aux nôtres, rêve de les délivrer comme le message. Les libérer comme la piste, ils restent retenus comme la chiasse. Pasqua est libre avec Iblis, no love, no peace. Je suis fier comme un king, et le king prend le père. Le king prend le fils, le king n'a pas de repère. Le king n'a pas de complice, le king n'a jamais été prince. Juste le fils d'un petit rien qu'il disait c'est rien petit. Tu seras le king, fils. Nos cœurs c'est descendre. Soweto a fait la descente. Désormais les enterrements. Le boss nous donne un ordre, on exécute. Le boss désormais les enterrements. Mes hommes s'en battent les couilles de la réputation. Est-ce qu'il en avait une bonne? Malcolm, préparez-vous à vos enterrements. Tiens qu'on compte l'argent dans le froid. Lui c'est qui? Lui c'est quoi? Descendre les enterrements. Le boss nous donne un ordre, on exécute.